Vous écoutez CKRL au 89,1 et Futur Simple se poursuit. On va maintenant parler de changement climatique. C'est un thème un peu récurrent à Futur Simple, mais habituellement on en parle de façon assez générale ou en regardant ce qui se passe en Arctique. Aujourd'hui, on va focusser sur ce qui se passe un peu plus près de chez nous et c'est ce qu'on va faire avec Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Eh oui, je vous amène vraiment dans le sud du Québec pour vous parler des changements climatiques. Parce que, comme tu l'as dit, là, c'est vraiment le sujet de l'heure. Et aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun endroit, on est en train de se rendre compte, en fait, qu'il n'y a pratiquement aucun endroit de la planète qui va être à l'abri et qui est déjà pas à l'abri des changements climatiques. Donc, ici aussi, au Québec, ben, les changements climatiques affectent la biodiversité. Et là, il y a plusieurs climatologues, biologistes, naturalistes, aménagistes et autres spécialistes qui ont décidé de collaborer ensemble depuis 2006 pour produire une recherche qu'on pourrait qualifier de sans précédent sur la biodiversité québécoise. Et dans le but de prédire les effets potentiels de ces changements climatiques-là sur la répartition et l'abondance des espèces animales et végétales du Québec. Et l'étude aborde aussi autant des enjeux scientifiques qu'économiques ou politiques. Et cette étude a été dirigée par Dominique Berthaud de l'Université du Québec à Rimouski. Et c'est une étude qui a analysé la répartition d'environ 1000 espèces d'animaux et de plantes et a aussi tenté d'anticiper les changements potentiels de la répartition de ces espèces-là pour la fin du siècle présent, le 21e siècle. Donc, en utilisant des approches scientifiques qu'on pourrait dire parmi les plus perfectionnées, ainsi qu'avec l'aide de modèles climatiques et des informations sur la biodiversité qui sont vraiment très à jour, ben, ils ont dressé un tableau là, qu'on pourrait dire vraiment saisissant des changements qui sont anticipés sur le territoire québécois. Mais comme tu disais tout à l'heure, cette étude est unique. Peux-tu nous expliquer en quoi elle est unique? Oui, cette étude-là est vraiment sans précédent. C'est vraiment la première fois qu'on se projette dans l'avenir pour entrevoir l'évolution du patrimoine naturel québécois. Okay. C'est aussi un portrait qu'on pourrait dire vraiment très rigoureux, et qui est vraiment novateur aussi sur les changements climatiques et leur effet à long terme sur la biodiversité du Québec. Les chercheurs ont déterminé, en fait, quelles températures et quelles précipitations sont favorables à une espèce en particulier. Et les régions où ces conditions sont présentes ont été identifiées ensuite sur une carte. Et celle-ci a été confirmée par des observations sur le terrain de la présence de l'espèce. Donc, avec l'aide des modèles climatiques, ben on peut prédire où va se trouver à l'avenir la zone habitable qu'on appelle dans le jargon niche écologique de chaque espèce. C'est aussi un projet d'une grande ampleur parce que l'étude a utilisé de très nombreuses bases de données, comme par exemple l'étude des populations d'oiseaux du Québec. Ça, c'est la plus ancienne et la plus grande compilation sur les populations d'oiseaux au Canada. Et il y a aussi l'Atlas des amphibiens et reptiles du Québec qui contient à peu près 70 000 données de plus de 300 herpétologues. Les herpétologues, c'est les spécialistes en reptiles. Ils ont utilisé aussi l'inventaire forestier canadien, le centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Ils ont utilisé aussi trois bases de données sur le climat passé et actuel, le modèle climatique régional canadien, et j'en passe. Donc là, vous commencez à voir un peu l'ampleur et l'importance de cette étude-là. Oui, c'est un fait. En fait, finalement, on va regarder un peu l'évolution de la niche écologique de chacune des espèces, finalement. Oui. C'est ce qui se passe. Et concrètement, en fait, de quel changement est-ce qu'on parle-t-on quand on parle de changement climatique? Ben là, la nature québécoise, on peut dire qu'elle est vraiment en train de changer sous nos yeux. Il y a des nouvelles espèces qui, autrefois, ben, on voyait beaucoup plus au sud, par exemple aux États-Unis, qui commencent à apparaître ici. Les remontées vers le nord là, sont d'une ampleur supérieure même à ce que les chercheurs avaient prévu initialement. Malheureusement, ça veut aussi dire qu'il y a certaines espèces qui vont aussi disparaître du sud du Québec. Par exemple, l'étude prédit que dans la région de Montréal, le climat devrait plus être favorable à l'érable à sucre d'ici la fin du siècle. Il va faire trop chaud, j'imagine? Je crois que oui. Okay. Et récemment, il y a un exemple très concret. Et le plus grand papillon d'Amérique du Nord, le grand porte-queue, est arrivé au Québec, ce qu'on ne voyait pas avant. Et on estime aussi que 37 à 48 % des aires protégées au Canada ben, pourraient se retrouver dans un biome complètement différent de celui qui est actuellement à la suite là, du doublement des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'espèces qui vont être en déplacement? Bien sûr. Parmi les oiseaux, on a la mésange bicolore. Ça, c'est pas la petite mésange qu'on connaît. C'est une mésange qui commence à apparaître au Québec, qui pourrait coloniser plusieurs régions, jusque même au Témiscamingue et dans la Haute-Mauricie. Okay. Donc là, ça commence à être plus au nord qu'ici. Que sa niche habituelle. Exactement. Il y a aussi le troglodyte de Caroline. Ça, c'est une espèce de passereau. pourrait s'installer dans à peu près tout le sud du Québec, là, du Témiscamingue jusqu'à ici, là, la capitale nationale. Il y a le viréo aux yeux blancs. Ça aussi, c'est une autre espèce de passereau, un autre oiseau, qui vit actuellement environ dans le coin du New Jersey et qui pourrait s'installer dans la vallée du Saint-Laurent et la vallée de l'Outaouais. La mésange à tête noire, cette fois-ci, ça, c'est notre fameuse mésange qu'on voit ici. Eh bien, elle pourrait arriver sur les rives de la baie James. Ça, c'est 400 kilomètres au nord de sa limite actuelle. C'est un gros déplacement, là. Oui. Ensuite, dans les oiseaux, il y a la chouette rayée, qui est actuellement, elle est confinée au sud du Québec. Eh bien, là, elle a atteint la baie James et même le Labrador. Si on va chez les amphibiens, ben, la grenouille verte, qui est présente actuellement de la Floride jusqu'au Témiscamingue, elle pourrait, elle aussi, atteindre la baie James. Ah, et j'imagine que les arbres aussi vont se déplacer, oui? Ça se fait sur une échelle de temps beaucoup plus longue, mais effectivement, les arbres, on prédit que le chêne blanc, là, qui est confiné à la région de Montréal et dans le parc de la Gatineau, ben, va sortir de cette niche écologique-là pour s'étendre en Estrie, au Témiscamingue et même en Mauricie. Et une autre espèce d'arbre, le bouleau glanduleux, c'est un arbre plutôt nordique qui commence à, lui, par contre, à disparaître de la zone d'étude. Ben, on présume qu'il va aller, lui, encore plus au nord du Québec. OK. Mais ces changements, Mélanie, est-ce que les chercheurs peuvent dire à quelle vitesse ils vont se produire? Ben, en moyenne, les zones climatiques, les zones bioclimatiques plutôt, vont se déplacer d'environ 40 à 44 kilomètres par décennie. OK. Et ce qui est quand même assez rapide. Pour vous donner une idée, à la fin de la dernière glaciation, les arbres ont remonté vers le nord à un rythme d'à peu près 50 kilomètres, voire 100 par siècle. Okay. Ça, c'est 5 à 10 fois moins vite que la vitesse actuelle de déplacement. Okay. Donc là, les changements se font vraiment rapidement et ça fait craindre le pire pour des espèces qui n'ont pas le temps de s'adapter, qui n'ont pas la capacité aussi de se déplacer rapidement. Et de plus, ben là, il y a des centaines d'espèces, plutôt il y a certaines espèces qui vont arriver ici et qu'on préférerait vraiment pas voir arriver ici, comme par exemple les parasites ou des maladies, des mauvaises herbes ou toutes sortes de choses comme ça. Donc, les conclusions de cette recherche-là ont vraiment des implications profondes, surtout concernant les politiques de conservation. Surtout pour les zones protégées, parce que on peut dire que c'est les derniers remparts là, protégés des zones bioclimatiques là, intactes du Québec. Mais surtout, l'étude a mis en place aussi une approche scientifique qui va générer certaines des connaissances et beaucoup d'outils dont on a besoin pour protéger et développer des stratégies de protection de la biodiversité. Ben, une chose est certaine, à cause des changements climatiques, les espèces sont vraiment en mouvement. Là, on commence déjà à le voir. Et il y en a qui subissent une très forte pression de leur environnement. Il y en a qui vont s'adapter. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui sont voués à disparaître. Ouais, c'est un fait. Et si vous désirez en savoir davantage sur ce sujet, ben, je vous invite à consulter cette étude qui a été publiée sous forme de livre qui s'appelle « Changement climatique et biodiversité du Québec » qui est publiée aux presses de l'Université du Québec. Donc, c'est un livre, on peut être très fiers de nous parce que c'est une étude d'une très grande ampleur qu'on a rarement vue. Et c'est très plaisant de savoir que ça vient du Québec. Oui, effectivement. Et il y aura d'ailleurs un lancement de ce livre à l'INRS mercredi prochain, le 12 février, à l'INRS, entre 17 et 18h30. Et Dominique Berthaud sera là. Alors, une bonne occasion de discuter avec lui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mélanie. De rien.